Et du coup, merci la CNT d'avoir participé. Ouais, bah, je disais pas ça pour ça. Ouais, mais sinon, il y a plein de gens qui nous soutiennent et qui nous filent plein de trucs. Plein de pansements, plein de sérums filles, même des médicaments qu'on ne peut pas donner aux gens. Du coup, ben, on les garde, on les met de côté et puis voilà. Mais voilà. Et est-ce que la présence des street medics dans la manif, est-ce que ça diminue ou pas, à ton avis, les violences policières? Non, je pense que c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Enfin, de toute façon, c'est pas parce qu'il y aura des street medics en manif qu'il y aura moins de blessés. Il y aura plus de gens soignés à la limite, mais il y aura pas moins de blessés. Et dans les manifs, qu'est-ce que t'as? Comment t'expliquerais les violences? Qu'est-ce que t'as vu toi? Comment elles se créent? Comment elles se développent? Disons qu'un samedi après-midi lambda de violences policières. Avant 17h, il se passe rien et tout d'un coup à 17h, on a l'impression que ça pète. Pourquoi ça? Moi, je pense que parce qu'il y a des désordres de la préfecture. Après, les manifestants sont un petit peu chauds, ils insultent un petit peu les policiers de temps en temps, pas tout le temps. Hein, et de toute façon, les policiers sont censés recevoir les insultes parce que c'est leur boulot. Ils sont pas censés répondre ni par d'autres insultes, ni par la violence. Mais ça riposte toujours à un moment donné et des fois, c'est un peu plus grave que juste des insultes. Et ça riposte comment, alors? Moi, j'ai vu des ripostes verbales, genre des baqueux qui insultent des manifestants. J'ai vu des ripostes aussi violentes, quoi. Les lacrymos, les LBD, des coups de matraque, des interpellations, et puis tout ce qui s'ensuit. Ok. Par exemple, hier à Saint-Thé, c'était... C'était boule de neige. Non, mais c'était sympa. C'était hier, bon c'était enfant, cool. Alors. Ouais, c'était cool. Il y avait de la neige, on avait tous un petit peu froid, et je pense que ça s'est... Ça s'est bien terminé pour la plupart. Je sais qu'il y a eu des interpellations, je sais pas qui, je sais pas pourquoi non plus, mais dans la généralité, ça s'est bien passé. Par rapport à d'autres manifs où il y a eu plus d'interpellations, plus de blessés, et voilà. Et du coup, là, où est-ce qu'on en est du mouvement? Là, cette semaine, il y a eu... L'expulsion des ronds-points. Ouais. Ouais. Violemment. Ouais, ils sont arrivés à 7h30. Ils ont... Du matin. Ouais, 7h du mat, ils sont venus, ils ont laissé 15 minutes pour qu'on récupère tout ce qu'on avait récupéré, puis ils ont tout détruit avec le gros bulldozer, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, une pelleteuse. Ouais, une pelleteuse. Et ça a mis un gros coup au moral, du coup, parce que c'était un peu l'endroit où on se réunissait tous, où on partait de manif. Tu parles de Montieu, là. Ouais, je parle de Montieu. Où on se réunissait, où on avait à manger, à boire, il y avait le feu, c'était convivial. On partait de Montieu à 13h30 pour rejoindre Place du Peuple le samedi, c'était cool. Là, il n'y a plus rien. C'est un peu triste, mais on ne va pas se laisser faire comme ça. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on est nombreux et qu'on a envie que ça continue, le mouvement. Et hier, il n'y avait pas comme objectif un peu de récupérer ce rond-point, justement? Ouais, bah d'abord c'était symbolique, enfin, on est là, on est toujours sur le rond-point, on vous emmerde. On est aussi allé devant le géant pour dire qu'on était toujours présent et que bah, il fallait pas qu'il nous oublie, quoi, qu'on allait revenir les samedis. Après, vu qu'on s'est fait déloger au début de semaine, on va essayer d'y aller tranquille parce que les flics ils sont souvent près du rond-point et on n'a pas trop envie de se faire interpeller. Il y a un mec là, dans la semaine qui est venu sur le rond-point tout seul avec sa chaise et son gilet jaune, il s'est assis, il s'est fait embarquer. Juste pour une vérification de papier et tout, mais juste pour le symbole, ça fait chier de se faire embarquer. Et du coup, les flics, quand ils arrivent, toi, t'as pu discuter avec eux quand même? Ou pour l'instant, t'as été que dans une relation de confrontation, on va dire? Je leur parle pas, je les regarde pas. Enfin, je les regarde pour faire attention qu'ils soient pas vers moi, mais je leur parle pas. Parce que quand ils arrivent, là, ils se comportent comment, en fait, avec vous? Bah, comme des flics, enfin, comme des robots, je sais pas, ils sont devant nous, ils se mettent en position, ils s'arment. Ou juste ils ont leur bouclier, leur matraque, et puis ils attendent que le temps passe. Ils attendent que le temps... Voilà, ma question c'était un peu de savoir, est-ce que y a une tentative d'apaisement ou de régler les choses, on va dire, d'abord de façon apaisée, si possible, ou alors est-ce qu'ils sont directs là, en se disant, en sachant qu'à un moment, ils vont y aller, quoi. Je pense plutôt que c'est la deuxième option, qu'ils attendent juste les ordres et qu'ils sortent les crocs quand il faut sortir. Je pense, après, peut-être que je me trompe, et peut-être qu'il y a déjà eu des discussions avec les policiers, soyez gentils, nous tapez pas. Oui, on va être gentils, on va pas vous taper. Mais apparemment, il y a quelques semaines, il y a eu des sommations, personne les a entendues, il y a eu des interpellations suite à ces sommations, mais s'ils se les chuchotent dans l'oreille, première sommation, c'est sûr que personne ne saura. Ouais. Et du coup, c'est pas loyal. Et tu penses qu'ils interpellent, ils arrêtent un peu au hasard, ou t'as l'impression qu'ils cherchent quand même à... comment dire, à arrêter les gens les plus violents ou qui se seraient un peu justifiés, quoi, on va dire. Ou alors ils prennent à tout va et il faut faire du chiffre. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui se sont fait interpeller sans raison, parce que juste ils avaient une paire de gants, un bonnet, une écharpe. Donc je suppose que c'était sûrement sans raison. Après je sais qu'il y en a qui se sont fait interpeller parce qu'ils avaient des trucs dans leur sac, et peut-être que les flics les avaient déjà repérés un peu à la base et qu'ils attendaient que ce moment-là, quoi. Enfin, au niveau des interpellations, rien que en lisant la presse locale qui reprend les chiffres de la préfecture, on en est déjà à plusieurs centaines d'interpellations depuis le 17 novembre et plusieurs dizaines de condamnations, dont au moins, à notre connaissance, un mec qui est actuellement en taule pour une peine de 3 mois ferme à purger, quoi. Ouais. Et donc c'est quand même violent, quoi. Et du coup, ce que j'avais envie de te demander, c'est par rapport à cette violence que peut-être certains sur les ronds-points découvrent, quelle est leur réaction par rapport à la police, par rapport à l'État, comment ils voient ça? Parce que moi personnellement, j'y suis pas allé sur le rond-point. Mais il semblerait qu'il y ait beaucoup de novices sur ces ronds-points qui n'ont jamais fait de mouvements sociaux, qui découvrent un petit peu. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils disent la police, l'État, ils ont raison de nous réprimer? Ou alors est-ce que ça les énerve encore plus? Il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui sont super pacifistes. Faudrait faire la manif dans les clous, demander la permission pour traverser. Et puis dès que les policiers disent il faut partir, et ben on part. Et puis il y en a qui sont super vénères, qui veulent faire des trucs. Il y en a pour tous les goûts. Du coup, vu que c'est la première fois pour la plupart c'est la première fois qu'ils font des gros mouvements sociaux comme ça, ben ils se lâchent, quoi, je pense. Ok. Et concernant le futur de ce mouvement, t'es plutôt optimiste, plutôt... Ah ouais, mais là, on est en plein hiver, ça caille, et on était super nombreux hier. Du coup, je pense qu'au printemps, ça va être chouette, et qu'en été, ça va être encore mieux. Et pour revenir aux violences policières, là, on a eu connaissance, enfin, toujours pareil, par la presse locale, hein, de 2 blessés graves à Saint-Étienne, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et... il semblerait qu'ils vont porter plainte contre la police, contre la préfecture et tout ça. Toi, tu as des infos un petit peu plus précises ou t'as... J'ai pas super trop d'infos. Après, si tu parles, quand tu parles de la presse locale, tu parles de la Tribune, Le Progrès, faut pas trop les écouter parce qu'ils ont tendance à minimiser le truc. Enfin, moi, je les lis, mais... Ouais. Bah après, je pense qu'il faut se renseigner aussi ailleurs parce que, franchement, ils disent pas mal de bêtises. Et France Bleu, c'est mieux, non? Non. Non, parce que... enfin, on va pas faire le débat sur la presse, mais j'ai entendu parler de l'Assemblée Générale qui a eu lieu cette semaine, là, à l'Amicale Laïque de la Richelandière, où il y avait une centaine de personnes. Et il y a eu un débat par rapport à la presse, justement. Est-ce que le débat peut être filmé ou pas? Bon, la réponse... Enfin, je ne sais pas si y a des gens qui ont plus d'infos là-dessus, mais la réponse a été oui, on laisse filmer parce que c'est une télévision étrangère. C'était des Coréens qui sont venus filmer à Saint-Étienne. Non, mais tu souris, mais tu es au courant aussi. Ouais, je suis au courant. Et voilà, c'est tout. Mais comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de fuite aussi de la presse qui dise... Je sais pas, si par exemple, il y a un mouvement, une action qui est prévue et que la presse balance les infos au CAF, ou à n'importe qui d'ailleurs, ben, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas trop de fuite. Mm-hmm. Après, on n'est jamais sûr. Ok, et ben... Tu peux nous dire un petit mot, moi j'ai encore quelques questions. Sur... Il y avait une assemblée générale à Commercy aussi, tu es au courant de ce qui s'est dit, de ce qui s'est passé? Ouais, alors j'en ai eu vent. Il y a des copains qui sont montés. Ils ont été un petit peu déçus parce qu'ils ont passé tout le week-end là-haut à discuter, à écouter les gens parler et tout ça. Et ce qui est remonté, c'est que les gens de Commercy ne parlent pas de lutte des classes ni d'anticapitalisme parce que ça fait trop extrême-gauche. Alors que bah, c'est des mots, c'est pas des gros mots, on a le droit de les employer, surtout aujourd'hui. Je pense qu'il faut les utiliser, il faut en abuser peut-être même. Ouais, mais c'est pas parce qu'ils utilisent pas ces mots qu'après, dans leurs revendications, il n'y a pas des revendications qui pourraient s'apparenter à de l'anticapitalisme, même si c'est pas dit explicitement. Ouais, mais dans ce cas-là, osons dire les mots. C'est bon. Faut appeler un chat un chat. Oui, non, mais d'accord, mais si eux, c'est pas leur lexique, peut-être qu'en attendant, ils demandent quand même des choses qui vont dans ce sens, non? Je sais pas. Oui, un petit peu, mais je pense que s'ils employaient ces vrais mots, ben, ça serait encore plus simple pour comprendre. D'accord. Bon, bah, je ne cherche pas à te convaincre alors. Et pour revenir sur les violences policières, est-ce que tu sais comment se passent les gardes à vue après cours Fauriel? Si une fois que les gens sont arrêtés, ils subissent encore des violences physiques, mentales? De ce que j'ai eu vent, parce que je n'ai jamais fait de garde à vue encore, j'espère jamais, le copain qui a fini en garde à vue, il était dans une cellule avec 4 autres personnes, 4 ou 5. Il n'y avait qu'un seul matelas, qu'une seule couverture, ça puait la pisse. Ils ont pu manger vers 2h du mat, ils ont pu voir leur avocat super tard aussi. Et ils les ont fait poireauter pendant des heures et des heures en leur disant « Oui, oui, vous allez sortir !» Et ils ont attendu. Et je pense qu'il faudrait envoyer les services sanitaires au 9-9 parce qu'il paraît que c'est super crade. Et c'est peut-être... Et t'as des conseils à donner sur la façon de réagir face au keuf quand ils chargent ou une fois qu'on est chez eux au cours Fauriel? Ouais, bah surtout quand on se fait interpeller, on dit rien. On dit rien, on attend son avocat et puis l'avocat il nous dira quoi dire, quoi faire. Surtout, ouais, dites rien parce que ça vous met en danger vous si vous balancez votre nom où vous habitez ou quoi. Et puis même si vous parlez pas de vous, parlez peut-être des autres. Ouais, mais non, j'étais avec machine, j'étais avec machin. Et les flics, ça leur sert toujours ça. Du coup, le mieux c'est de fermer sa gueule et d'attendre que l'avocat il nous dise quoi dire. Ok. En tout cas, les consignes du ministère de l'Intérieur par rapport aux gardes à vue, alors je l'ai lu encore dans un journal, bon, c'est le Canard Enchaîné, ils disent que les consignes sont claires, vous relâchez pas les gens avant au moins le dimanche matin. C'est-à-dire que toutes les interpellations, c'est au moins tu passes la nuit du samedi dimanche. Ici à Saint-Étienne, au 9-9 ou au commissariat de quartier, pour éviter que les gens retournent à la manif une fois relâchés. C'est les consignes qui sont claires du ministère de l'Intérieur. Bah, c'est bon à savoir, comme ça on saura que si on se fait interpeller, on passe la nuit au 9-9 et puis après on est sorti. Si vous ne savez pas où dormir samedi soir. Par contre, un conseil qu'on peut donner quand même quand on est interpellé et en garde à vue et qu'on n'est pas libéré, et qu'on va passer devant le juge des comparutions immédiates, on conseille de refuser la comparution immédiate pour préparer sa défense avec l'avocat ou avec un comité de soutien ou avec les copains et les copines. Évidemment, le danger, c'est toujours... parce que quand tu refuses la comparution immédiate le jour où tu comparais, à Saint-Étienne, ça, en général, c'est le mercredi, après-midi. Ouais. Donc ça veut dire que tu as été interpellé le samedi, tu as passé garde à vue dimanche, lundi, mardi, et tu te retrouves devant le juge le mercredi après-midi. Si tu refuses la comparution immédiate, le juge des libertés, des défenses et des libertés, il s'appelle ça. Enfin, ça s'appelle comme ça. Il va statuer s'il te maintient en détention ou pas jusqu'à ton procès. Alors, jusqu'ici, à ma connaissance, tous ceux qui ont refusé, ils n'ont pas été maintenus à Saint-Étienne en détention. Ils ont été relâchés sous contrôle judiciaire, avec souvent interdiction de paraître à Saint-Étienne jusqu'au jour du procès, quoi. Peut-être on y reviendra avec le deuxième invité, Vincent. Mais pour finir avec... l'intervention de Valentine qui peut intervenir à n'importe quel moment par la suite. Je voulais juste savoir si tu voyais la grève de mardi comme une convergence des luttes. À fond, ouais. Ouais, que tout le monde se rejoigne. Il y a plein de gilets jaunes syndiqués qui vont y aller avec leur gilet jaune, avec leur drapeau. Il y a aussi plein de gens que c'est la première fois qu'ils allaient sur un rond-point, première fois qu'ils faisaient une manif, qui ont dit « Tiens, c'est pas bête la grève générale ». Au début, ils voulaient pas de syndicat et puis ils se sont rendus compte que s'ils voulaient se bouger un petit peu, il fallait faire la grève. Et pour faire la grève, c'est plus facile avec les syndicats. Du coup, je pense qu'on va être super nombreux mardi à 10h30 à la Bourse. Non, c'est... Et il y aura le drapeau français mardi ? C'est une question qui m'intéresse beaucoup. Ben, on est dans un pays libre, du coup, je crois que chacun peut venir avec son drapeau. Et puis, on peut aussi en discuter sous le drapeau français, le drapeau rouge, le drapeau noir ou le gilet jaune, comme tu veux. Ou rouge et noir. Ou rouge et noir, ouais, à fond. Ouais. On peut discuter aussi du fait de savoir si on est dans un pays libre. On met un petit son ? Allez. Des années 80 pour Brigitte ? Allez. Ouais, j'ai adoré. Et du coup, avant d'être grossièrement interrompu par Trost, on était en train de parler d'appel à la grève. Et du coup, on a été sollicité par mail par une personne qui demande comment ça marche, comment on fait pour se mettre en grève. Alors, cette personne disait que qu'elle faisait partie du mouvement donc, des Gilets jaunes, qui n'avait jamais fait grève, et comment ça marche. Donc, comment ça marche qui peut se mettre en grève ? À peu près tout le monde. Hein. Et donc, comment ça marche ? Pour mardi, il y a un préavis de grève nationale déposé par plusieurs confédérations, plusieurs syndicats. Et donc... chacun peut faire grève et rejoindre la manifestation ou pas. Et après, il y a une différence entre si on travaille pour le secteur public, enfin si on est fonctionnaire d'État ou privé. Si on est fonctionnaire d'État, c'est surtout pour... il faut un préavis de grève déposé par une organisation syndicale. Si on est dans le privé, il n'y a pas besoin de préavis de grève, il n'y a pas besoin d'avertir son patron. Après, c'est chacun qui voit, hein, s'il veut, c'est suivant les relations qu'il a avec son patron. Et par contre, il ne faut pas oublier que quand on fait grève, on n'est pas payé, quoi, hein. Quand on fait grève dans le privé, on n'est pas payé la retenue sur salaire correspond à la durée de la grève, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Dans la fonction publique d'État, c'est au minimum une journée de grève. Et on risque pas de perdre son emploi si on fait la grève ? En principe, non, hein. La grève, c'est dans le droit constitutionnel. Et donc, quand on fait grève, on ne peut pas être sanctionné. On ne peut pas être sanctionné par son patron. On peut l'être dans les faits, mais pas sous ce prétexte-là. Exactement. On peut... Le patron est obligé de trouver une autre... Il faudra qu'il trouve autre chose. Autre chose, ouais. Donc voilà. Donc, à Saint-Étienne, ça se trouve, la manif aura lieu à Hôtel de Ville à 10h30, c'est ça, hein, et en direction du MEDEF. Ouais. Donc voilà, quoi. Venez tous. Est-ce que la CNT appelle à la grève ? Yes. Contre les nouvelles attaques aux droits des travailleurs et travailleuses précaires et privés d'emploi, contre la suppression de nos cotisations sociales, la surimposition des retraités, pour l'augmentation générale et immédiate des minima sociaux et des salaires, pour une réduction massive du temps de travail, contre l'oppression patriarcale et l'homophobie, contre l'étatisation et la privatisation de la Sécu, pour l'autogestion et la généralisation du service public, contre l'ubérisation et l'illusion de l'auto-entrepreneuriat, pour garantir la vie et la diversité aux générations futures. Bon, je vous lis pas tout. Hein. C'est un véritable catalogue. Osons vaincre. On le distribuera de toute façon. On le distribuera, vous le lirez en entier. Et du coup, face à l'État, au patronat, aux politiciens et aux syndicrates, négocier tu. On comprend pas notre acte. Osons vaincre, unissons-nous, grève générale d'offensive sociale. Voilà. Alors nous avons un deuxième invité, Vincent, alors qui lui est un vieux, dans le mouvement, ah, d'accord. Bien qu'à peine plus âgé que Valentine, et voilà, ben, je sais pas, tu peux peut-être te présenter, ouais, Vincent. Ouais, ben, du coup, je suis Vincent. je milite depuis quelques années maintenant sur Saint-Étienne. Donc, je suis à la jeunesse communiste depuis un bon moment déjà. Ce qui m'a permis en partie de rencontrer aussi d'autres réseaux et de suivre un petit peu le terreau politique stéphanois, quoi, et révolutionnaire, on va dire. Et donc du coup, ben, ça fait un petit moment pour le coup que je suis les mouvements sociaux et que je suis dans les mouvements sociaux. J'ai commencé par la loi de l'université, la LRU, avec Pécresse. Après, il y a eu les retraites, dans les gros mouvements sociaux vraiment importants, massifs, il y a eu le mouvement des retraites. Et puis donc plus récemment, il y a eu la loi travail en 2016. Et depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, je suis assez régulièrement en manifestation pour partir à chaque fois. Voilà. Et donc, on t'a demandé de venir et de venir surtout témoigner par rapport, toujours pareil, à la répression policière et étatique. Ouais. Et donc, toi, tu fais partie d'un groupe... de personnes qui vont passer en procès dans quelques jours, dans un mois, le 7 mars, par rapport donc à des faits reprochés qui datent de cette fameuse loi travail. Donc est-ce que tu peux un petit peu résumer quels sont déjà les... Vous êtes 8, quels sont les principaux actes d'accusation? C'est comme ça qu'on dit, hein. Qu'est-ce que te reproche la société? Qu'est-ce qui vous reproche la société? Alors du coup, il y a pas mal de choses à dire parce que c'est un procès un peu particulier, c'est-à-dire que sur les 8 personnes, aucun n'est jugé pour la même chose, c'est que des actes différents. Alors il y a des choses qui se recoupent à travers les chefs d'accusation. On est plusieurs à être accusés, par exemple, d'avoir refusé le prélèvement ADN et la prise d'empreintes. Donc ça, on est plusieurs à l'avoir. Il y a des faits de dégradation, on est certains à en avoir, mais pas sur les mêmes manifs. C'est un fourre-tout un petit peu général du début du mouvement de la loi travail, où il y a des gens qui sont accusés pour des faits du 30 avril, par exemple, et d'autres qui sont accusés pour des faits du 12 mai. Enfin, il y a plein de faits différents. C'est globalement quand même plutôt dégradation ou... Ouais, si, c'est surtout des faits de dégradation, en fait. Soit des jets de peinture ou des tags sur des bâtiments, notamment le bâtiment de casino à Château-Creux. D'accord. Voilà. Et du coup, est-ce que ce qu'on a vécu pendant la loi travail et cette répression qu'on connaissait pas trop quand même à Saint-Étienne, cette répression policière, je crois que pendant la loi travail, il y a à peu près une quinzaine de personnes qui sont passées en procès, une trentaine d'interpellations, c'est ça à peu près, je crois. Ouais, au total, on a à peu près à 33 auditions au commissariat. Pour plein de faits différents pour le coup, mais non, globalement sur toute la dégradation ou juste des faits aussi de blocage. Et oui, en termes de procédure en tout cas judiciaire, il y a on est au moins 15, ouais, on doit être 17 ou 19 personnes à être passées devant le juge, ou pas encore. Nous pour le coup on n'est pas encore passé parce que notre procès a été reporté. Mais voilà, en tout cas, ça fait un joli nombre, quoi. Surtout bah nous, ça nous paraissait déjà énorme, quoi. Ouais. Bah, quand on compare avec les chiffres du mouvement social actuel, c'est encore pire. Mais oui, on s'attendait pas à ça, parce que comme tu disais, c'est vrai que à Saint-Étienne, les mouvements sociaux qu'il y a eu jusqu'à présent, en tout cas, c'est moi de ceux que j'ai connus. C'était relativement calme. Les quelques actions un peu coup de poing, on va dire, qui ont pu avoir lieu, se sont toujours déroulées assez discrètement. Et là, du coup, c'est vrai qu'on a été un peu impressionnés par cette répression qui nous est tombée dessus, sachant que il y avait une stratégie qui était très très maligne, on va dire, de la part de la préfecture, qui était de surtout pas faire de vagues en manifestation, et ça se faisait tout a posteriori. Enfin, toutes les personnes qui ont été interpellées ou arrêtées et qui sont passées en procès, il n'y en a aucune qui a été arrêtée. Pour le coup, contrairement au mouvement des Gilets jaunes, il n'y en a aucune qui a été arrêtée en manifestation. Ouais, en flagrant délit, quoi, on va dire. Alors, il y en a trois, en fait, qui ont été... Ouais. Trois en flagrant délit pour l'histoire de la banderole sur le balcon de la permanence de Gagnère, qui était député PS à l'époque, qui est maintenant En Marche, évidemment. Ouais. Un beau macroniste. Voilà. Qui était pour la loi travail et qui avait beaucoup poussé pour le 49-3 à l'époque. Du coup, il y avait une action de personnes qui étaient montées dans sa permanence, qui étaient entrées et qui avaient mis une banderole sur le balcon. Suite à ça, ils ont été arrêtés. En fait, les flics avaient été prévenus, on ne sait pas trop comment. Ou vu peut-être qu'ils se doutaient juste, enfin bon, c'est pas trop, ça on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, malheureusement. Mais bref, ils étaient là, ils ont pointé, ils ont menacé avec leurs armes les trois personnes qui étaient dans le bureau, ce qui est très grave, parce qu'ils étaient juste en train de mettre... Aucun acte ne justifie qu'ils puissent sortir leurs armes de toute façon, mais c'est encore plus particulièrement choquant quand on voit que c'était vraiment pour une histoire de banderole. Ils se sont fait marcher dessus, écraser la tête... Les coups de bottes avec toujours le flingue pointé sur eux. Enfin, ça a été très très violent. Sauf que, en fait, nous on était en bas et on savait ce qui était en train de se passer. Et du coup, on est resté. Ça a été très très fort comme moment, très intense. Très tendu aussi. Très tendu. et en fait, on a réussi à les faire sortir parce que le commissaire a fini par dire à ses collègues de les laisser sortir parce qu'il voyait qu'on était un contre, enfin que c'était pas possible. Ils sont pas partis en garde à vue là. Et du coup, ils sont pas partis, donc ils ont été un peu, on va dire, discrets pendant quelques temps. Et là, les policiers ont commencé à raconter une histoire un peu différente, quoi. Oui, voilà. Alors ça a été un peu toute l'histoire de la loi travail parce que. Alors, pour resituer un petit peu, on va dire, enfin, très rapidement, un historique de toutes ces interpellations, de tous ces procès. Ça a commencé, en fait, après le 31 mars. Il y a eu une manif le 31 mars à Saint-Étienne. 31 mars 2016. 2016. Ouais, la loi travail, c'est 2016. Donc, 31 mars, c'est la première grosse manif qu'il y a eu à Saint-Étienne. Il y a un mur qui a été monté en moellon devant la préfecture. Mmh. Voilà. Symbolique. Ouais, un mur symbolique. On s'en rappelle, suite à ça, il y avait des autres peintures qui avaient été jetées. Et à l'issue de ça, il y a trois jeunes qui ont été perquises chez eux, genre la semaine qui suivait, pour avoir jeté des autres peintures. Du coup, ça va faire un peu écho à tout le reste. Sur leur chef d'accusation, il était indiqué qu'ils avaient utilisé des bombes agricoles, donc pour parler de peinture. Donc on voit déjà un peu le gros mensonge. Ouais, voilà, la manière d'interpréter les faits, qui était un peu étrange. Voilà, donc ça a été le premier, on va dire le premier, la première répression. Qu'il y a eu pendant ce mouvement, et à partir de là ça a été l'escalade. Donc après, avec l'histoire de la banderole chez Gagnère, il y a un militant aussi qui était en bas à ce moment-là, ce jour-là, qui a été la police, enfin les flics ont essayé de charger, et du coup il a essayé de défendre un peu le cortège parce qu'il y avait beaucoup de lycéens. Il s'est mis en avant, il s'est mis devant et il s'est pris, enfin il s'est pris des coups. Il a mis des coups sur les boucliers, il s'est pris un coup de matraque en pleine tête. Il a été condamné pour ça, du coup maintenant. Voilà, et pour en revenir à ce que tu disais, effectivement, sur les chefs d'accusation pour tous ces gens-là, donc pour ceux qui étaient dans la permanence, a priori il y avait 6 ou 7 policiers blessés, 2 qui avaient été poussés dans les escaliers par une personne qui faisait le guet dans l'immeuble de la permanence. Donc elle les a évidemment jamais poussés, mais voilà, ils ont menti en disant qu'elle les avait poussés. Les policiers à l'intérieur qui braquaient leurs armes ont porté plainte pour coups et blessures contre une des personnes qui était sur place, qui était donc pointée avec un flingue au visage et qui évidemment a tabassé 3 flics comme ça, gratuitement et facilement. Sans s'inquiéter de l'arme qui était pointée sur lui. Y compris la presse locale, hein, s'était étonnée comment la personne qui était sur le trottoir avait pu blesser 5 flics. 7. Il disait pas flics par contre. Il disait 7 policiers en 22 secondes, je crois. 33, ouais. Ah ben, 33. Il y a la vidéo qui atteste de ça, oui. Donc, y compris, voilà, c'était. Et donc. On est des super-héros à Saint-Étienne, en fait. Ouais. C'est un super journal, surtout. Et ils ont un super médecin, c'est un petit peu la question qu'on se pose aussi, justement, c'est parce que, pour le coup, ce qui est assez, assez inquiétant, enfin, moi, je trouve ce qui est le plus terrible dans tout ça, c'est que on est sûr qu'il n'y a pas eu de violence de la part des personnes qui ont été arrêtées. On le sait, et pourtant les policiers ont eu plusieurs jours d'ITT, ils avaient un document officiel du médecin qui indiquait qu'ils avaient bien été blessés, donc on se demande de quelle manière est-ce que ils ont pu vraiment être blessés. Si ça s'appelle le mystère d'Hippocrate. Mais du coup c'est compliqué. Et alors, est-ce que ce qui s'est passé donc il y a 3 ans pendant la loi travail, est-ce que c'était les prémices de ce qui se passe, est-ce que c'était un laboratoire d'expérience, ou alors ou pas du tout, parce que rappelons quand même que c'était pas le même pouvoir politique qui était en place, hein, François Hollande et Parti Socialiste. Voilà, j'allais dire de gauche, mais je crois pas. Non, c'est pas la peine. Et là, quand même, on est quand même confronté à une violence policière extrême, quoi. Parce que y compris les personnes participant, comme on disait tout à l'heure, au mouvement, qui n'avaient jamais eu affaire à la police, sont carrément... beaucoup comprennent pas, quoi, cette violence, parce que eux ils sont là avec des revendications légitimes et ils se font même pas tabasser, ils se font tirer dessus comme des lapins, quoi. Ouais, c'est sûr que ça questionne beaucoup. Moi je dirais que oui, il y a une continuité dans le mode d'action et une évolution qui s'est fait, ils ont testé des trucs pendant cette loi travail, évidemment, c'est sûr, enfin, puisque justement, on était déjà face à quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Après, ce qui est assez déroutant par rapport à un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que pendant la loi travail, comme je disais, leur méthode, la technique, on va dire, qu'avait adoptée le préfet, c'était de ne pas intervenir sur les manifestations et d'intervenir qu'à posteriori, d'aller chercher les gens chez eux, avec plein d'éléments à charge... juste vrai ou faux, comme on a bien vu. Et là, ce qui est assez étonnant, moi, ce qui m'a vraiment surpris, en fait, au début du mouvement des Gilets jaunes, c'est cette intervention vraiment directes quoi qu'ils ont à chaque fois. Alors bon, là ça s'est un peu calmé parce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que maintenant c'est plus après 16, on en rigole même de dire bon bah tant qu'il n'est pas 17h ça va pas gazer sur les manifs. La première que j'ai faite moi c'était celle qui avait le 8 décembre où ça avait été un gros bordel en centre-ville. Mmh. Y avait une voiture de la municipale qui avait cramé pour, entre autres. Et ben là pour le coup ils avaient commencé déjà à gazer, il était super tôt, il était 15h à peine, ouais. 15h02. Ouais. Bah voilà, et du coup moi je pour le coup c'est la première. C'est Sylvain qui me l'a dit. J'étais très choqué parce que justement moi je m'attendais un peu à cette méthode d'action de pour le moment on fait rien, on attend après les manifs pour essayer de choper des gens. Là non, on s'en fout, on attaque direct et en plus on attaque alors qu'il s'est rien passé. Nous pendant la loi travail, il y a eu des actions qui ont été faites. Et au final, les flics n'ont pas intervenu sur ces actions-là. Là, il n'y avait même pas d'action qui était faite et les flics ont intervenu. Donc, il y a quand même un seuil qui a été franchi. Je pense qu'il y a une continuité, mais je pense que là, il y a aussi clairement une autre méthode de répression. De répression. Alors, je ne dis pas que c'était mieux avant, pas du tout. Hein. Mais disons que c'est différent. Ouais. C'est... Peut-être moi, mettre une petite musique, non ? Je voudrais savoir si vous avez porté plainte aussi. Sur les violences subies, etc. Non, on n'a pas porté plainte. En fait, c'est une machine vraiment infernale au niveau judiciaire. Pour le coup, ben voilà, la preuve en est, on est en 2019. Nous, notre procès, il est le 7 mars. Donc voilà, 7 mars au TGI, il y aura un rassemblement. D'ailleurs, je profite, je fais la pub. Ouais, très bien. Il y a une manif le 7 mars. Du coup, ce sera rendez-vous à la bourse à 11h30. Je crois qu'on avait dit ça la dernière fois. Et on ira tous ensemble jusqu'au tribunal, on se fera accompagner, enfin les huit interpellés sont accompagnés. Parce que la CNT fait partie du comité de soutien des interpellés. Ah ouais, je vais pas faire toute la liste, mais il y a un paquet de personnes qui sont sur le comité de soutien. Mmh. Et ouais, voilà, du coup, c'est nous, notre procès, il en est que là, sachant que pour certains, ça a vraiment traîné aussi. Martin, il a été rappelé, alors il a été jugé une première fois, il n'a pas eu le verdict tout de suite, il a eu le verdict 3 mois après où il a pris 6 mois de sursis et 6 000 euros d'amende, je ne sais plus exactement. Mmh. Il a fait appel, il a fallu attendre un an quasiment pour que son appel soit pris. Le jour du procès de l'appel, il a été reporté aussi au mois suivant parce qu'ils avaient des nouveaux documents. Le mois suivant, il a été encore reporté parce qu'ils avaient encore des nouveaux documents qu'ils n'avaient pas pu traiter. Et au final, son procès, il a été reporté 4 fois. Martin, il a été jugé en 2 ans presque. Oui, c'est ça. Donc lui ça c'est un des cas et les autres ça a été tout ça et en fait je crois que au début on s'est dit putain mais il faut qu'on porte plainte parce qu'on sait la vérité, on sait qu'on n'a pas tapé les flics, moi je dis on mais moi j'en fais pas partie mais je connais très bien les gens qui disaient voilà on n'a pas tapé les flics, on n'a rien fait de mal, on s'est fait maltraiter, on a été violenté par eux et c'est nous qui nous retrouvons à devoir leur payer 6000 euros de dédommagement et pour certains plusieurs mois de sursis. Parce qu'il y a Martin, il y a Jules aussi qui a pris du sursis. Et du coup, voilà, on est... Sauf que, en fait, d'un autre côté, je crois qu'on en avait tous marre et qu'on avait tous envie que ça s'arrête. Ouais, mais c'est le but aussi. Bah ouais, ouais. Le but, c'est que t'en aies marre et que tu laisses tomber. Ouais. Hein. C'est une technique aussi N'empêche que depuis tout ce temps, on a mis en place donc un comité de soutien qui dure quand même. Mm. Même si parfois on se retrouve pas bien nombreux. Ouais, mais c'est sûr. Hein, maintenant, il remonte. Il a 2 ans, quoi, du coup. Mmh. Et ce comité de soutien, il commence à être en relation aussi avec comité de soutien des interpellés parmi les gilets jaunes et tout ça, y compris une caisse de solidarité. Ouais. Alors, je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que moi, j'ai fait qu'une réunion, mais. Du coup, je voudrais pas dire de conneries, mais effectivement, il y a une caisse de solidarité là qui s'est créée depuis le début du mouvement des gilets. Enfin, elle s'est créée il y a pas si longtemps, mais en référence au mouvement des gilets jaunes. Donc voilà, ils ont pour regrouper des fonds et aussi pour faire un peu de la prévention, legal team, donc un peu ce que au final Valentine faisait tout à l'heure, expliquer les règles un peu en garde à vue. Alors eux, voilà, leur but c'est un peu de faire ça aussi, de faire de la prévention pour les gens qui n'ont pas l'habitude de manifester. Et qui n'ont pas l'habitude de se retrouver face à la police. Et c'est aussi de faire un peu de fonds de soutien pour les personnes qui se passent en procès, pouvoir les aider à payer. Oui, parce que ça tombe, les amendes, là. Hein. Bah, il y en a un paquet, ouais, parce que comme tu disais, il y en a, je pense, sur Saint-Étienne, ouais, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont déjà passées en procès depuis 2 mois, quoi. Bah, merci. Alors, je ne sais pas si ça s'est entendu, mais je pense que ça s'est entendu à la tête. On a reçu un petit texto pour nous demander une chanson en particulier. Alors, on va la mettre, hein. Ah, c'est pour un vieux punk. C'est pour un vieux punk. C'est Cauchise, la démocratie. Petit clin d'œil. La démocratie, on a bien failli y croire. C'est mauvais de marcher contre le sens de l'histoire. À coup de la traque, à coup de résignation, tous les moyens sont bons pour forcer la soumission. La démocratie, on a bien failli y croire. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit, Loïc ? Y a rien à comprendre. Tout à écouter. Cauchise, c'était. Ah, d'accord. La démocratie, le morceau. Je parle comme Yoda, pour finir. Donc on a au moins un auditeur. Ouais. Pour rebondir par rapport à ce que disait Vincent tout à l'heure, donc le procès va avoir lieu le 7 mars. Et donc on a prévu des actions, tout ça, une grève peut-être, voilà. Sauf que c'est la veille du 8 mars. Et le 8 mars, il va y avoir un appel à la grève des femmes. Donc du coup, ça va faire 2 jours de grève. Ça va faire beaucoup. Il faut savoir ce qu'on veut. Et sur le 8 mars, il y a des actions de prévues, des rassemblements, une manif ou pas déjà ? C'est tout à construire. D'accord. Voilà. Et puis, on en reparlera la prochaine fois. Et sinon, avant ça, donc ça c'est au mois de mars, mais avant ça, on est juste début février et il va se passer des tas de choses aussi. Alors, déjà demain lundi à 19h45, il y a un appel à rassemblement devant le la librairie catholique qui se trouve. Alliance Vita, c'est rue Léonotin au numéro 4. Voilà, c'est à côté de l'église Saint-Louis. C'est ça. Donc, vas-y, dis que, par rapport à quoi c'est... Du coup, je crois que c'est des anti-IVG qui se regroupent, qui se retrouvent là-bas. Et... C'est-à-dire c'est des conférences qui sont données au niveau national et qui sont diffusées en direct sur grand écran dans cette librairie. Et donc, ça va être la troisième, je crois. C'est un cycle de quatre conférences. Et donc, c'est ce lundi, c'est la troisième, et donc quatrième, pardon. Et on me fait signe en régie que c'est la quatrième. Et donc, un rassemblement à 19h45, rue Léon Notin, au numéro 4. C'est ça. Voilà. Donc, si vous êtes contre l'IVG, ne venez pas. Ensuite, l'agenda, Brigitte. Alors un peu plus réjouissant, il se passe plein de trucs, en fait. Hein. C'est juste que, on donne les dates qui nous sont chères. Donc, par exemple, le 16 février, il y a le concert de soutien à La Gueule Noire. Et ça se trouve où, La Gueule Noire? 16 rue du Mont, dans le quartier de Bellevue. En face de Pôle emploi. Il y aura du flamenco folk, du punk rock, du rap et un DJ pour danser. D'accord. Et on a besoin de ce soutien pour pouvoir continuer à faire vivre ce lieu. Est-ce qu'il y aura à manger? Ouais. Ah, cool. Petite grignoterie. Voilà. Voilà. Et puis, je vois pas... Manif mardi. Ah oui, manif mardi. J'oublie l'essentiel. 10h30. Manif mardi, 10h30 à Saint-Étienne. Hôtel de ville. À Rouen, j'en sais rien. Mais venez tous à Saint-Étienne. Ouais, mais il doit y en avoir aussi à Rouen, hein. Oui. Et ils font un cortège jusqu'à Saint-Étienne. tu voulais parler de la prochaine émission aussi, Brigitte, non? Alors voilà, donc là, la prochaine émission qui sera le 3 mars, donc, sera une émission animée par le groupe Femmes Libres de la CNT 42. Voilà. C'est un groupe non mixte. Et ça sera donc une émission non mixte. Donc il n'y aura pas de mecs dans le studio. Voilà, il n'y aura pas de... Est-ce que les auditeurs seront aussi des auditrices? Que des auditrices? Les auditeurs que des auditrices. Je sais pas, il y a bien des mecs qui écoutent Radio Audio. Peut-être que fois-ci, les mecs, ils auront pas le droit d'écouter. Non, ça sera brouillé pour les mecs. Ah, oh. Ah ouais, non, mais on est des sorcières. Radio, c'est de la haute technologie, tu vois. Donc voilà. Et à propos de la prochaine émission, elle est avancée à 19h. Maintenant, les émissions de Cœur Noir Tripalium auront lieu tous les premiers dimanches de chaque mois. À 19h. Ok. C'est tout ce qu'on a à dire? Grosso modo, oui. Je remets de la musique alors. Un petit peu, ouais. Ouais? Comme ça, ça vous laisse le temps de boire un coup? Oh. Je vous ai balance. Jaloux. Acab, Black Block. On n'a pas parlé de... Pas de nom, ni genre, ni âge, ni religion. On vient de partout et de nulle part. Notre deuil est notre étendard. Qu'on soit seul, qu'on soit sans, qu'on soit mille, on vient pour défier l'ordre civil. On n'a peur de rien ni de personne quand notre chant résonne. Car notre sang bleu est noir, rouge et noir, notre étoile jaune et noire, notre vie en rose et noir, et on fait bloc. Comme on ne veut plus vivre à genoux, on est prêt à rendre coup pour coup. On charge en groupe et on se disperse, on tremble le vieux monde de vitesse. On s'éclaire au feu de l'incendie. On respire le gaz, on fait du bruit. On disparaît comme on est venu. Jamais prié, jamais vu. Ta main sang bleu et noir. Notre drapeau rouge et noir. Notre étoile jaune et noire. Notre vie en rose et noir. Oui, notre sang bleu et noir. Notre drapeau rouge et noir. Notre étoile jaune et noire. Notre vie en rose et noir. Et on fait bloc. Le Black Bloc, enquête signée Franck Genozo, Francis Marche. Black Bloc. Zadistes, autant de groupes anarchistes qui partagent la haine du capitalisme, de l'État et de l'officier. Je veux dire, à tous ces capteurs, les Black Box, ses amis de M. Koupa, qui ont la plus grande détermination. On garde la mémoire des vaincus, pas de quartier pour reprendre la rue. On crée les réseaux de la colère, un pour tous, tous insurrectionnaires. Nous suivrons, et ce jour nous casserons les prisons. Nous bâtirons un monde nouveau, tous libres, tous frères, tous égaux. Car notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune et noire. Notre vie en rose et noir. Mais notre sang bleu est noir. Notre drapeau rouge est noir. Notre étoile jaune et noire. Notre vie en rose est noir. Ils ont tout laissé sur place. Ok, il nous restait juste une petite chose, enfin deux. Loïc, il voulait nous conseiller un livre. Ouais, au sujet des violences policières, il y a un livre de Mathieu Rigouste, L'ennemi intérieur, qui parle justement de tout ce qu'on vit actuellement. Voilà. Donc, qui a déjà été écrit il y a quelques années. Ah oui, il y a quelques années. Oui. Même avant la loi travail, il me semble. Oui, tout à fait. Oui. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a aussi un autre livre. Qui s'appelle La force de l'ordre, qui est de Didier Fassin, qui a fait un anthropologue qui a fait une immersion dans une BAC en Seine-Saint-Denis pendant 2 ans. Et du coup, il relate dans les violences policières, notamment dans les quartiers populaires. Et ça me fait juste penser d'ailleurs qu'on parle de choses inédites pour nous, qui nous impressionnent en tant que militants. Cette année avec le mouvement des Gilets jaunes et il y a 2 ans avec la loi travail, mais qu'en fait ça fait déjà bien plus longtemps que c'est expérimenté sur les quartiers populaires et sur les populations qui vivent là-dedans. Voilà, donc c'est quand même important, je pense, de le rappeler. Bon. C'est ce que nous disent les copains et les copines qui habitent pas en centre-ville, d'ailleurs, voilà, qui le vivent pratiquement quotidiennement, en tout cas qui en sont témoins quotidiennement, quoi, de cette violence policière, les mains sur sur la tête et tout ça, à genoux, c'est des scènes récurrentes dans les quartiers. Hein. C'est ce que rappelle aussi David Dufresne, et du coup, bah, on en profite pour rappeler son Twitter, qui s'appelle Allo Place Beauvau, c'est pour un signalement. Son blog aussi. Voilà. Enfin, vous regardez. Et en fait, du coup, il recense toutes les bêtises que font les policiers, dont les blessures, les blessés graves et tout ça. Donc, si vous vous faites blesser, si vous voyez quelque chose d'inadmissible venant de la part des keufs, eh ben, vous l'envoyez à David Dufresne et il s'occupe de tout. Il recense uniquement ce qui est déjà beaucoup, mais que les blessés pendant le mouvement des Gilets jaunes. Mmh. Ce qu'on évoquait à l'instant avec les quartiers, pour le moment, il ne se l'est pas approprié, même s'il en est conscient. Ouais. Bon, ben voilà. Et donc, on rappelle les permanences de la CNT. C'est tous les vendredis de 17h à 18h30. Et vous pouvez nous retrouver à la Bourse du Travail de Saint-Étienne. Il y a même un arrêt du tram pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est facile à trouver. On est dans la salle 15 bis au rez-de-chaussée. Et voilà. Un numéro, un mail, Elian ? Alors, soit complet, Elian. Un numéro de téléphone fixe au 04 77 25 78 04. Et l'adresse mail. Je ne vois pas ce qu'il y a de rigolo. Rien du tout. C'est ta voix suave et sensuelle. Tu as une super voix de radio. Et donc, l'adresse mail, si vous voulez nous envoyer des petits messages, c'est CNT, comme cœur noir tripalium, 42, le 4 et le 2 du département. Qu'est-ce que c'est bien trouvé. @CNT, comme Confédération Nationale du Travail, tiret du 6, attention, f.org. Voilà. Org, ça s'écrit O-R-G. Voilà. Et la prochaine émission ? La prochaine émission, ce sera dimanche 3 mars pour les femmes libres. Eh bien, merci. Et à 19h. Ah oui, c'est à 19h. Ce sera désormais à 19h. Tous les premiers dimanches de chaque mois. Voilà. C'est bon ? On remercie, on dit bonne nuit ? Allez, remercie Valentine et bonne Vincent, nuit. Les deux V. Hein, bonne soirée. V pour Vendetta. Ah ouais. Allez, bye bye. Ciao. Salut. Non, mais je ne rentrerai pas dedans, je ne rentrerai pas dedans. Je vais te Scatter shot, communism retard. Burn him on his own cross, ban him on a push of rock. Got him where we want him, and we want him in the open. We got him where we want him, and we want him in the